Exercice 9, page 128. A. Tu peux parler ? Transformer ? Non, je ne peux pas parler. B. Tu peux partir ? Transformer ? Non, je ne peux pas partir. C. Tu peux payer ? Transformer ? Non, je ne peux pas payer. D. Tu peux le biper ? Transformer ? Non, je ne peux pas le biper. E. Tu peux le bouger ? Transformer ? Non, je ne peux pas le bouger. F. Tu peux le bloquer ? Transformer ? Non, je ne peux pas le bloquer.